Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, c'est Lost in Space qui revient à partir de 21h, votre émission spéciale rock'n'roll, punk, musiques expérimentales et variées. C'est ceci plutôt en deuxième partie d'émission. Parce qu'au début, c'est plutôt beaucoup plus rock'n'roll. La preuve, on attaque avec Sebado, extrait de leur magnifique album Bake Sale du début des années 90. Comme d'hab, si vous voulez retrouver des titres, c'est sur la page de la radio, radio-active.net. Lost in Space, je vous souhaite une excellente soirée en ma compagnie et j'espère que tout va bien se passer. Allez, c'est parti avec Sebado. There is history in this place. There are dragons to be chased. And though I don't know who you are. And a strong heart, and the charm in the way you hide. Gently take my star for a ride, and I don't know. But the joy that I can't find, gently take my star for a ride. We can never ever go to. La population gonflait le samedi soir. Les étrangers à la ville s'y rendaient pour faire la tournée des rades sur Valley et Garvey. Le Legion Stadium Del Monte en ferait en vedette Cliff Easton et son Hometown Jamboree, retransmis en direct sur KTLA TV. Tu veux rêver. Dans un pays comme la France, les conditions sont aujourd'hui réunies pour une évaporation du pouvoir sous l'effet d'un soulèvement et d'un blocage général du système, comme décrit dans l'insurrection qui vient, sortie chez La Fabrique en 2007. Le phénomène s'est déjà produit deux fois dans l'histoire de ce pays. La première à l'été 1789. Quand s'est répandue la nouvelle de la prise de la Bastille, la structure de gouvernement héritée de Richelieu et de Colbert s'est spontanément défaite. Les intendants, représentants du pouvoir central, équivalent des préfets de région actuels, sont tout simplement partis. Ils ont vidé les lieux en laissant les clés sur la porte, et avec eux, se sont dissous les corps constitués, les parlements, les municipalités, dont les membres tiraient leur pouvoir de l'hérédité, de la vénalité des charges ou d'une désignation directe par le pouvoir central. Il restait bien un exécutif, un roi, des ministres, mais il ne dirigeait plus rien, la courroie était cassée et définitivement. La seconde évaporation du pouvoir s'est produite en mai 1968, quand, face à la révolte étudiante et à la plus grande grève qu'ait connue le pays, le pouvoir gaulliste s'est volatilisé. Certes, cette vacance n'a duré que quelques jours. Tout avait été si soudain, si inattendu, que rien n'était prêt dans les esprits pour tirer parti d'une situation aussi exceptionnelle. C'est le vide théorique et programmatique, non comblé par les élucubrations maoïstes et trotskistes, qui permit au Parti communiste et à la CGT de reprendre les choses en main et au gaullisme de ressurgir triomphalement au mois de juin, le vide bien davantage que les CRS, le préfet Grimaud ou la menace du général Massu. Sanity. Généralement, dans les commissariats, les supérieurs surveillent de près le travail des inspecteurs. Mais à Homicide Special, les deux lieutenants et le capitaine de brigade leur laissent une marge de manœuvre conséquente. Ils estiment qu'un inspecteur promu à Robbery Homicide a mérité son périmètre de liberté. Beaucoup d'entre eux, après avoir enquêté sur des centaines de meurtres, ont développé leur propre méthode de travail. Tous les effectifs d'Homicide Special sont des inspecteurs de deuxième ou troisième grade, les plus élevés pour des enquêteurs. Dans d'autres services, ils auraient eux-mêmes supervisé le travail. Chaque recrutement à Homicide Special donne lieu à une compétition acharnée entre plus d'une dizaine de postulants, lesquels possèdent tous une longue expérience du terrain. Les deux lieutenants s'entretiennent avec chaque candidat, interrogent ses supérieurs hiérarchiques, évaluent ses aptitudes à l'investigation et lui attribuent ensuite une note. Ils recherchent des inspecteurs dotés de prestance et d'une certaine éloquence. Beaucoup de victimes dans les affaires traitées par Homicide Special sont des personnalités importantes. Les inspecteurs doivent être en mesure de s'adapter à des témoins issus de toutes les sphères de la société. En dernier lieu, les lieutenants transmettent l'évaluation des candidats aux responsables de Robbery Homicide, le capitaine Tatro, à qui appartient la décision finale. Happy that you're mine. Homicide Special bénéficiait autrefois d'une plus grande cohésion interne. Avec une charge de travail plus légère, les inspecteurs avaient le temps de se fréquenter et de créer ainsi un authentique esprit de corps. Après le travail, il leur arrivait de passer la nuit à boire dans les bars du centre-ville. Le week-end, ils organisaient de régulières parties de golf ou de chasse. Aujourd'hui, les inspecteurs de la brigade sont plus jeunes, beaucoup ont des enfants en bas âge. Ils ont moins le temps d'aller boire ou jouer au golf entre collègues. Les binômes d'inspecteurs fonctionnent souvent en toute indépendance, sans aide de la part des autres. Au final, cela donne une brigade fragmentée en une douzaine de paires d'inspecteurs qui gravitent dans les locaux mais agissent rarement de concert. Yeah! Une fois que les inspecteurs ont fini de briefer Hartwell, ils répertorient scrupuleusement chaque bout de papier, calepin, photographie, carte de vœux, notes, documents, factures, reçus et boîtes d'allumettes récupérées dans l'appartement. Puis ils passent le reste de la matinée à constituer le dossier d'enquête. Un classeur en plastique bleu roi à trois anneaux qui contient tous les éléments d'une affaire d'homicide. Il comporte toutes les informations rassemblées au cours de l'enquête, incluant liste des preuves, photographie des scènes du crime, schéma, déclaration des officiers de patrouille, des suspects et des témoins, ainsi qu'un déroulement chronologique de l'enquête au jour le jour, parfois heure par heure. Une fois le dossier d'enquête mis à jour, McCarthy appelle l'inspecteur criminel qui s'est chargé d'enquêter sur le meurtre de la prostituée russe démembrée, découverte dans une bouche d'égout près de l'océan. L'inspecteur confirme que Mère était bien son maquereau, mais qu'elle avait raccroché depuis un moment. Pour lui, ce n'est pas Mère qui l'a tué. Knowles et McCarthy continuent malgré tout de s'intéresser aux liens qui pourraient bien exister entre les deux affaires. Catch me now as I sing. Spotlight cast on the dark side of me. Les inspecteurs n'ont aucun témoin du meurtre de Luda, même pas un voisin qui aurait entendu un coup de feu. Ils disposent toutefois de deux indices potentiellement révélateurs, la cassette vidéo et la douille. Chaque arme grave sur la balle qu'elle décharge une sorte d'empreinte bien particulière. Cela fait des décennies que les experts en balistique utilisent ces empreintes pour s'assurer que les balles tirées correspondent à l'arme d'un suspect. Dans le cas d'un pistolet semi-automatique, les méthodes d'identification sont encore plus fiables. Un nouveau procédé informatique permet en effet de créer des images numériques des empreintes uniques laissées sur la douille. La banque de données du FBI permet ensuite de comparer ces empreintes avec les munitions trouvées sur d'autres scènes de crime dans le pays. Si la même arme a été utilisée dans différentes juridictions, les inspecteurs peuvent désormais rapidement faire le lien entre les balles tirées. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. She's such a little DJ, get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that neck, but not the way that we play. Dog down, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for kissing in the mood. Thank you. Plus tard dans l'après-midi, les inspecteurs déposent les douilles au laboratoire de balistique de la LAPD. Ils leur transmettent également la balle qu'ils ont récupérée à l'autopsie pour analyse. De retour à son bureau, McCartin appelle Jennifer Amo et fixe un rendez-vous pour le lendemain. Underage, I wish that I was older. It's all good, cause someone's coming.

good for the heart, like hunting is good for the beast. I swear that she was there that whole time, for 4 or 5 days, till I was sick of the snapper. I swear that she was weaving while I cut the line. Next man to hold and try. You got a kick top round the air. You gotta make the ones that you want to have. Believe it, if they're really there. You gotta mend the nets. You gotta kick top round the air. You gotta make the ones that you La Grande Dépression touchait à sa fin. Les privations et les injustices étaient encore très présentes. Je traînais dans LA avec mon carnet de croquis. Je rendais compte par des dessins polémiques des conflits locaux qui survenaient dans le monde du travail. Je lisais Karl Marx, je n'adhérais qu'au tiers de ce que je lisais, et je me rendais à de nombreuses soirées où se retrouvaient des gens de gauche. J'étais de gauche parce que la gauche n'était pas la droite et que les réformes de FDR n'étaient guère enthousiasmantes. Je méprisais les gens de gauche parce qu'ils étaient outranciers et franchement extravagants. Il leur manquait la grandeur à laquelle j'estimais avoir droit de par ma naissance. J'aimais les hommes et réprimer mon désir me rendait folle. Je passais de longues heures à la bibliothèque publique à écouter de la musique symphonique sur des phonographes munis d'écouteurs. C'était tout à fait ridicule et terriblement érotique. Cela m'a poussé vers une série de liaisons avec des musiciens de jazz de réputation douteuse. Le sexe n'était pas ce que j'imaginais. Ce n'était que tension, effluve et prosaïque mésalliance. C'était une révélation douce et triste et l'anéantissement de toutes mes espérances. Lips of Lila, Lila. J'ai prêté de l'argent à mes nombreux amants, dilapidant les économies que j'avais gardées de mon emploi de serveuse. Je me suis fait expulser de ma résidence et j'ai pris ce coup du sort avec un optimisme flamboyant. J'ai commencé à me nourrir dans les soupes populaires et à dormir dans Griffith Park, enroulé dans un tapis de couchage. Je me lavais chaque jour à la YWCA et je n'ai jamais paru en public sous un aspect négligé. Mon esprit était un mélange à part égale d'innocence et de ténacité délirante. J'étais insensible au danger et trop déconcerté par les hommes pour être capable de les juger au-delà du désir qu'ils m'inspiraient.

Can I have a little bit less reverb in my monitors, please? Just a little bit, make it a little drier. So I can hear what I'm singing. I was singing something, yes. But I wasn't singing anything. Bobby DeWitt était batteur de jazz. C'était l'incarnation même du séducteur sapé comme un prince. Il portait des pantalons de flanelle à taille haute et des vestes amples bicolores. Il continuait de fréquenter ses copains de dortoir, des zazous mexicains, de la maison de redressement de Preston. Il m'a vu crayonner son portrait et j'ai voulu me persuader qu'il reconnaissait mon talent et mon assurance digne d'une actrice comme Norma Shearer. C'est en quoi je me trompais. Il ne reconnaissait rien d'autre que mon penchant pour l'outrance.